que je connais pas. Je te le dis, j'ai eu le temps de voir. Autant tu voulais pas. Pourtant, à mon contact et à tes entrailles qui éclatent, ne rigole pas, on est pareil, toi et moi. Ne rigole pas, on est pareil, toi et moi. Tu sais, enfoui là-bas, parfois mieux vaut ne pas tout dire. Ce que tu caches au fond de toi, mais sous tes ongles, il y a les traces. Qui t'a dit que ça s'efface? Laisse-moi rire, tu vaux vraiment pas mieux que moi. Laisse-moi rire. Tu vaux vraiment pas mieux que moi. Laisse-moi rire, tu vaux vraiment pas mieux. Intégré, décoré, maquillé sous ton sourire et tes baisers. Y'a comme un truc qui se pointe. Je te le dis, arrête tes feintes. Tu m'auras pas, tu vaux vraiment pas mieux que moi. Tu m'auras pas, tu vaux vraiment pas. Vraiment pas mieux que moi. Tu m'auras pas, tu vaux vraiment pas mieux que moi. C'est que je t'en veux pas. Et le pire dans tout ça, c'est que je t'en veux pas. Tu m'auras pas, tu vaux vraiment pas.